Chapitre 85. Gardez les secrets. Allah Ta'ala dit: et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Sourate 17, verset 34. 685. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: parmi les hommes qui occuperont les rangs les plus bas auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a celui qui a des rapports intimes avec sa femme et qui ensuite les divulgue aux gens. Muslim. 686. D'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsque Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, devint veuve, ce dernier dit: j'ai rencontré Othman ibn Affan et lui ai proposé la main de Hafsa en lui disant: si tu veux, je te donne Hafsa, ma fille, en mariage. Il répondit: laisse-moi réfléchir. Quelques jours plus tard, je l'ai rencontré à nouveau et il m'a dit: j'ai décidé de ne pas me marier maintenant. J'ai ensuite rencontré Abu Bakr as-Siddiq et lui ai fait la même proposition: si tu veux, je te donne Hafsa, ma fille, en mariage. Abu Bakr se tut, me laissant sans réponse, attitude qui m'irrita davantage que celle de Othman. Quelques jours plus tard, le prophète, alayhi salatu wassalam, la demanda en mariage et j'acceptai. Puis Abu Bakr me rencontra et me dit: je t'ai peut-être contrarié lorsque tu m'as proposé Hafsa et que je me suis tu. Oui, avouai-je. Il dit: je me suis refusé à répondre à ta proposition uniquement parce que je savais que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait cité en vue du mariage, mais je ne pouvais pas dévoiler ses secrets. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'avait pas souhaité pour lui, je l'aurais volontiers accepté. Al-Bukhari. 687. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte: nous, les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, étions un jour rassemblés chez lui, lorsque sa fille Fatima, dont la démarche ressemblait à celle de son père, arriva. En l'apercevant, il l'accueillit en disant: « Sois la bienvenue, ma fille. » Il la fit ensuite asseoir à sa droite ou à sa gauche, puis lui fit une confidence qui la fit fondre en larmes. Devant tant de tristesse, il lui chuchota quelques mots une seconde fois, ce qui, cette fois, la fit sourire. Je lui dis alors: « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, t'a distingué d'entre toutes ces femmes pour te faire une confidence et malgré cela tu pleures ?» Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva, je l'interrogeai: que t'a dit le messager d'Allah? Elle répondit: je ne divulguerai pas les secrets du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. À la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je lui dis: je t'adjure, en vertu des droits que j'ai sur toi, de me révéler ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, t'avait confié. Elle dit: aujourd'hui, je peux te le dire. La première fois, il m'a dit: Jibril, l'ange Gabriel, avait l'habitude de venir m'enseigner le Coran en me le faisant réciter, puis en me le récitant lui-même une ou deux fois par an. Or, cette année, il le fit à deux reprises, me laissant penser que ma fin est proche. Alors crains Allah et sois patiente, car je serai pour toi un excellent devancier. J'ai alors pleuré comme tu l'as vu. Face à mon immense chagrin, il m'a chuchoté quelques mots une deuxième fois, me disant: « Ô Fatima, ne serais-tu pas satisfaite d'être la plus noble des croyantes ou la plus noble des femmes de cette nation ?» C'est ce qui m'a fait sourire comme tu l'as vu. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. 688. D'après Thabit, Anas radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vint me voir alors que je jouais avec des garçons. Il nous salua, puis me chargea d'une commission, ce qui retarda mon retour chez ma mère. Quand je rentrai, elle me demanda: « Pourquoi t'es-tu attardé ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a chargé d'une commission, répondis-je. « Qu'est-ce que c'était ? » demanda-t-elle. « C'est un secret, dis-je. Ne divulgue à personne les secrets du messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, m'ordonna ma mère. » Anas radiallahu anhu ajouta: « Par Allah, ô Thabit, si je devais le dire à quelqu'un, je te le dirai à toi. » Muslim et Al-Bukhari en partie.